Jean Ollier, Pensée choisie. Deuxième partie, culte de la très sainte Vierge. Texte inédit publié par Georges Le Tourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916, markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Pour les besoins de la synthèse vocale, le latin est traduit. Chapitre 2. Mystère de Marie. Mystère de l'Immaculée Conception. La très sainte Vierge, portant en elle dès le premier instant de sa conception l'image de l'innocence et de la sainteté, que le Créateur avait donnée à l'homme, innocent, et revêtue en son âme de l'abondance et de la plénitude de la divinité qui la transforme. Dieu semble l'absorber tout entière, il la pénètre et l'abîme en soi, on dirait que l'être de cette heureuse créature est tout anéanti. Marie est toute perdue en Dieu, elle est transformée en lui, comme le bois qui, pénétré par le feu, est passé en son ardeur et en son activité. Les grâces dont elle est ornée, dès le premier moment de son existence, sont inconcevables, quoiqu'elle se soit accrue sans cesse durant tout le cours de sa vie. Au jour de sa sainte conception, elle reçut comme une effusion de la divinité, Dieu qui avait donné quelques-unes de ses perfections au patriarche, ancêtre de Jésus-Christ, les communique toutes à Marie. Elle a dès lors les lumières d'Abraham, la force d'Isaac, l'amour de Jacob, la pureté et la sainteté de Joseph, et elle les possède à un degré éminent. Je voyais qu'en ce bienheureux instant, elle était une expression de ce jour serein de l'éternité, qui n'aura jamais de nuit, qu'elle était cette lumière splendide, qui chassait toutes les ténèbres et toutes les ombres de la mort, et qui croissait sans cesse, jusqu'à son plein midi, car elle a toujours marché de lumière en lumière, de splendeur en splendeur jusqu'au jour de son triomphe, où elle s'est perdue en Jésus-Christ. Alors, absorbée en lui, elle n'était plus que lumière, avec le soleil de justice. Le Dieu Tout-Puissant me fit voir une autre fois une chose que j'estime infiniment, c'est la grandeur prodigieuse de l'amour incomparable qu'il portait à notre sainte maîtresse. Il me montra aussi les dispositions et les sentiments de cette belle âme, au moment de sa bienheureuse conception. Je voyais un cœur tout embrasé, qui s'offrait perpétuellement, et d'une manière presque semblable à celle dont notre Seigneur s'offre, en qualité d'hostie, au Saint-Sacrement et partout où il est. Dieu le Père opérait déjà en Marie les dispositions qui devaient être un jour celles de son Fils, de sorte que, comme le Verbe venant au monde se consacre à son Père, dès le premier instant de sa vie, en qualité de serviteur et d'hostie, la très sainte Vierge fait de même en qualité de servante et de victime. Mais elle le fait si parfaitement, que ses sentiments intérieurs donnaient déjà du dégoût au cœur de Dieu pour toutes les victimes de l'ancienne loi. Si bien que notre Seigneur, venant ensuite au monde, aurait pu dire à son Père, à raison de la seule beauté de l'âme de sa mère, de ses dispositions saintes et de ses admirables sentiments, « Mon Père, vous ne pouvez plus agréer les victimes de l'ancienne loi, à présent que vous avez celle-ci devant les yeux. Je me souviens, ô mon Sauveur, qu'après m'avoir montré l'admirable cœur de votre sainte mère, tel qu'il était au jour de son immaculée conception, vous fîtes comme écouler mon âme dans la sienne, pour la rendre participante de ses saintes dispositions, et de cet état de victime auquel je me sens attiré, et dans lequel je me trouve souvent établi. Nativité de la Sainte Vierge. Que de merveille et de grandeur j'aperçois dans la naissance de la Sainte Vierge. Elle commence à s'élever sur la terre comme l'aurore de la grâce, qui vient délivrer les hommes, des ombres de la mort et du péché, dans lesquels ils étaient ensevelis. Elle porte avec elle les plus doux, les plus aimables et les plus heureux effets de la lumière de Jésus-Christ. En ce moment, elle est proprement la première naissance du Sauveur sur la terre, comme l'aurore est la première naissance du soleil. Notre Seigneur, il est vrai, avait paru en ses élus dès l'origine du monde. L'Écriture remarque qu'il commença à mourir en la personne d'Abel, dans lequel il vivait par son esprit. Il vivait de même dans les patriarches et dans les autres justes de la loi, comme aussi dans les âmes vertueuses de la gentilité, mais tous ces saints étaient des astres qui ne délivraient pas le monde des ténèbres de la nuit. Ils n'étaient que de pâles reflets de la divine lumière répandue sur eux, tandis que la très sainte Vierge est un astre splendide et fécond, qui donnera naissance au soleil de justice. Elle en est déjà revêtue dès son entrée dans le monde. Elle réunit en elle toutes les splendeurs des saints de l'ancienne loi. Elle a plus de part, elle seule, aux perfections de Jésus-Christ, que tous les justes qui ont vécu parmi les gentils ou au milieu du peuple de Dieu. C'est une lumière admirable, c'est une renaissance de Jésus-Christ, déjà né avant elle, et qui renouvelle en elle toutes ses nativités précédentes. Elle renferme en soi tout l'amour des plus hautes hiérarchies des anges. Elle se voit élevée au-dessus de toute créature. Tout ce qu'il y a eu et tout ce qu'il y aura jusqu'à la fin du monde, de plus grand et de plus parfait parmi les élus, depuis les saintes vierges jusqu'aux apôtres, n'est rien auprès de ce que possède Marie au jour de sa naissance. L'Église, fondée sur les saintes montagnes, n'est que le chandelier et le soutien de la splendeur de la bienheureuse Vierge qui éclaire toute créature. Cette bénite enfant réunit en elle seule tout ce que notre Seigneur répand de grâce hors de lui-même. Voyez combien de nativités de Jésus-Christ sont renfermées et renouvelées en celle-ci. Quelle prodigieuse lumière! Quelle épouvantable clarté! Marie est dès lors terrible aux démons comme une armée rangée en bataille, elle possède seule plus de force que tous les saints. Si une âme de pur amour fait trembler et fuir les démons, comme disait saint Antoine, que doit-il en être de celle qui ne produit pas seulement quelques actes d'amour en toute leur ferveur et en toute leur perfection, mais qui, par l'opération du Saint-Esprit, exerce tous les actes de toutes les vertus imaginables, en même temps et dans toute leur étendue? C'est l'abrégé de tout l'intérieur de Jésus. C'est la dilatation des devoirs de sa religion. C'est une vive expression de son amour et de ses louanges. Quels admirables sentiments dans cette âme, à qui Dieu se manifeste en ses mystères, et en ceux de son Fils, plus qu'il n'a jamais fait et ne fera jamais jusqu'à la fin du monde. À quel point sont perdus en Dieu son esprit et son cœur, élevés, fortifiés, dilatés par l'Esprit Saint, pour être en état de rendre à la majesté divine les hommages exigés par tant de faveurs dont elle est l'objet. Il me semble que la vie non seulement d'un homme, mais de l'Église tout entière, serait bien employée à vénérer ce mystère. Pour moi, j'y consacre la mienne, je reconnais lui devoir la vie de mon corps et celle de mon âme, et je me voue à Dieu pour employer tous mes moments à la faire honorer. Je vivrai toujours sous la dépendance de cette Vierge bénie, elle est ma mère. Si tous les enfants de l'Église la nomment leur vie, leur douceur, leur espérance, je pourrais bien la nommer, en Jésus-Christ, ma vie, ma voix et ma vérité. Tous les jours, à mon réveil, j'honorerai ce mystère de la nativité de Marie, source de vie pour toute l'Église. Je m'unirai à Jésus-Christ résidant en elle, l'offrant au Père éternel et la consacrant à sa gloire pour jamais, en tout ce qu'elle est, et en tout ce qu'elle peut faire et souffrir. Enfin, en union à l'Esprit de Marie, je m'abandonnerai à l'Esprit de Jésus-Christ, pour qu'il daigne, en elle, prendre possession de mon âme qui lui appartient à tant de titres. Je le supplierai de faire de moi, en ce jour et jusqu'à ma mort, tel usage qui lui plaira pour sa gloire. Je lui demanderai de vivifier mon esprit par la foi, mon cœur par la charité, et toutes mes facultés par sa sainte vertu, afin qu'en sa mère et par sa mère il fasse de moi un autre lui-même. Je suis ravi d'être redevable à Marie de tout ce que je recevrai de grâce, comme étant à mon égard une vraie mère de miséricorde. Sur l'enfance de la Sainte Vierge. L'Église grecque, si respectable en son antiquité, si éclairée et si pleine de respect pour les mystères de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère, consacre près de 3 mois entiers à honorer l'enfance de Marie, à adorer les merveilleuses opérations de la très sainte Trinité en son âme, et à vénérer les occupations de cet enfant béni envers les 3 personnes divines. De quel sentiment, de quel amour, de quelle admirable religion son cœur était rempli pour elle. Pendant 3 ans entiers, Dieu l'appliqua ainsi à lui, aussi bien qu'à tous ses desseins sur l'Église. Ce temps expiré, elle entra dans le temple, et y fut appliquée à vénérer profondément les mystères de Jésus-Christ, dont toute la loi et toutes les figures étaient remplies. À l'exemple de l'Église, je consacrerai à honorer cet enfant si précieux et si caché, tout le temps qui s'écoulera depuis la fête de la Nativité jusqu'à celle de la Présentation. Je prendrai chaque jour quelques moments pour aller, avec tout le recueillement possible, rendre hommage à Marie en son berceau. Je vénérerai son intérieur caché à la plupart des hommes, et ce saint tabernacle plus cher à Dieu 1000 fois que le temple de Salomon. Il me semble que Marie, en son berceau, est l'école des anges, et qu'en un instant ils y acquièrent une connaissance plus parfaite de la sagesse et de la sainteté de Jésus-Christ, qu'ils n'ont pu le faire par la vie des plus grands saints. Elle est un sanctuaire et un temple où rien de souillé ne pénétra jamais. Elle est une arche d'alliance que Sainte Anne et Joachim protègent comme deux chérubins, elle est ce trône de Dieu dont parle Isaïe, et que 2 séraphins couvrent de leurs ailes, elle est un paradis terrestre où la Sainte Trinité trouve ses délices, le trésor où elle prend plaisir à mettre en dépôt toutes ses richesses. Par la puissance du Père éternel, Marie, dès son enfance, est plus forte que Judith. Par la sagesse du Fils, elle est 1000 fois plus belle que Rachel. Par l'amour du Saint-Esprit, elle est plus aimable qu'Esther. Le Père éternel, qui la regarde comme sa fille bien-aimée, la rend, autant qu'elle peut l'être, semblable à lui en ses beautés et en ses excellences divines. Il l'embellit, il l'enrichit. Il la prépare à la dignité à laquelle il doit l'élever au jour de l'incarnation. Le Fils, qui déjà aime en elle sa mère, la prévient de toutes ses grâces. Le Saint-Esprit la considère comme son sanctuaire et comme le lieu de ses plus saintes et de ses plus pures opérations. Quel chef-d'œuvre que cet enfant, dans laquelle les 3 personnes divines apportent, avec un amour immense, ce qu'elle possède de plus précieux. Si au jour de la création d'Adam elles ont dit, « Faisons l'homme, à notre image et à notre ressemblance », Genèse 1, 26, que n'ont-elles point dit entre elles, et quels conseils n'ont-elles pas tenus, pour produire cet admirable ouvrage? Elles ne l'ont pas fait, comme le premier homme, pour leur appartenir en qualité de serviteur, mais pour être à elle comme la chose la plus chère, la plus aimable et la plus tendre qu'elle puisse avoir hors d'elle-même. Elles ont dû, par conséquent, employer tout leur amour, toute leur puissance, toute leur sagesse pour l'élever à une perfection sortable à sa condition. Ce mystère est l'objet de notre foi, en même temps que de notre religion. Tout y est si grand, si sage, si riche, si éminent, si divin, et tout y paraît si petit, si ignorant, si pauvre, si vil, si abject, si humain. Dieu a voulu que ce grand ouvrage nous semblât si ordinaire et si familier, afin de nous en rendre les approches plus faciles et plus suaves. Quelle douce visite en effet, que celle que l'on peut faire à la maison de Saint Joachim et de Sainte Anne, pour leur demander accès au berceau de la divine enfant confiée à leur garde et à leur sollicitude. Quelle joie, après les avoir salués, d'aller se mettre à genoux pour vénérer cette merveille, au milieu de tous les anges qui l'entourent, et qui rend tant d'honneur, tant de louanges, tant de respect à cet admirable chef-d'œuvre de la divinité. Car je ne doute pas que des anges de tous les ordres ne soient venus contempler toute l'étendue des grandeurs et des perfections de Dieu, qui y sont renfermées. Quelle joie de se répandre, par la foi, en chacun de ces esprits bienheureux, et de prendre part à la diversité des respects et des sentiments amoureux qu'ils ont déjà pour leur reine. Quel bonheur de s'unir à eux, afin de l'honorer pour toutes les perfections que la très sainte Trinité lui a communiquées. Quels avantages de s'approcher avec religion de ce sanctuaire, où l'âme trouve tout ce qu'elle peut désirer et demander, toute la force qui lui est nécessaire en ses infirmités, toute la lumière qu'elle peut souhaiter en ses obscurités et en ses erreurs, toute la bonté dont elle a besoin en ses misères et en ses mauvaises habitudes. Quel bonheur de voir déjà reluire sa pénitence dans les douces larmes et dans les pleurs de la sainte enfant, de considérer son occupation intérieure envers Dieu et sa religieuse modestie, de contempler sa douceur, sa patience, son obéissance à ses parents et son respect de Dieu en leur personne, de découvrir enfin en elle mille vertus à imiter, et d'en vénérer un million d'autres, qui nous sont inconnus que les anges honorent et admirent continuellement. Notre divin maître me donne une telle confiance en ce mystère que je dois, me semble-t-il, tout y chercher. Je ne demande rien ni de spirituel, ni de temporel par l'enfance de Marie pour la gloire de Dieu, que je ne l'obtienne. Par la foi en sa vertu je me sens délivré et guéri de tous mes maux. Sur la présentation de Marie. Le temple voit aujourd'hui dans son enceinte un des objets dont il était la figure, Marie temple vivant de Jésus-Christ, cette bénite enfant y entre pour le sanctifier, et non pas pour en être sanctifiée elle-même. Cependant elle étudie avec soin, et avec le désir de s'y conformer, les caractères de sainteté que le Père éternel y avait imprimés. Rien de profane n'y entrait, tout y était vide du siècle et séparé du monde, et cette vue la portait à se tenir séparée du monde, vide d'elle-même et de toute créature. Elle ne va pas au temple seulement pour en étudier la sainteté et pour se préparer, sans le savoir, à devenir le temple vivant de Jésus-Christ, mais elle entre encore comme une hostie. Elle s'y présente pour être à tout moment immolée en esprit à la gloire de Dieu. Elle ne voyait jamais égorger une victime, qu'elle ne s'unit à elle et ne s'immola intérieurement avec elle. Elle soupirait alors après la victime adorable qui devait s'immoler un jour sur le calvaire, car elle savait par les prophètes, et particulièrement par David et Isaïe, que le Seigneur viendrait comme un agneau, qu'il serait muet comme une brebis pendant qu'on l'égorge, et qu'il souffrirait son immolation en patience, en douceur et en amour. Elle vivait ainsi dans un esprit de mort au siècle et à elle-même, elle s'offrait à chaque moment en sacrifice, et, en attendant sa dernière heure, elle était continuellement appliquée à louer et à aimer le Dieu auquel doit retourner toute créature. Elle entrait aussi au temple comme prêtre, dans la pensée de se former à la sainteté que Dieu figurait dans ses ministres, et que, sans le savoir, elle possédait déjà si parfaitement. Dieu la lui avait donnée au jour de son immaculée conception. Elle reçut en ce moment la grâce de toutes les œuvres qu'elle devait opérer dans le cours de sa vie, et, par conséquent, la grâce du sacerdoce, puisqu'elle était destinée à présenter à Dieu le sacrifice de la croix. C'est pour cela qu'elle vit parmi les prêtres, qu'elle s'exerce avec eux au ministère sacré, qu'avec eux elle présente à Dieu les victimes, et que, dans l'attente du Sauveur du monde, qui devait être en même temps le prêtre, la victime est le temple de son divin sacrifice, elle offre déjà Jésus-Christ caché sous tous ses sacrifices et toutes ses victimes. Avec quel amour elle accomplissait ses fonctions, avec combien de joie sa foi vive remplissait de l'esprit du Verbe fait chair tout cet extérieur de l'Ancien Testament. La loi, dans la multitude de ses figures, était, pour le peuple de Dieu, comme un monde nouveau, mais un monde destiné uniquement à représenter les perfections de Jésus-Christ. C'était un monde de sainteté sensible, dans ce monde visible profané par le péché. C'était un monde sanctifié, mais qui, de soi-même, vide de l'Esprit de Dieu, devait en être rempli par les saintes âmes et surtout par les prêtres. Or ces âmes et ces prêtres n'avaient pas une foi assez étendue pour découvrir un si grand nombre de mystères, et voir un Dieu représenté par tant d'images. La Sainte Vierge, aussi vivement éclairée par les lumières de l'Esprit Saint que les autres, était ensevelie dans les ténèbres de la chair, en pénétrait le fond le plus intime, elle entrait dans les desseins de Dieu, elle faisait, sur le déclin de la loi, ce qui ne s'était pas encore accompli avec perfection, et l'on pouvait dire, dans ce sens, qu'elle en était la plénitude. Marie était, dans le temple, au milieu de Jésus-Christ, elle était environnée et pénétrée de son esprit, elle contemplait sans cesse tous ses traits ébauchés dans ses images, elle le voyait et le suivait partout. Quels hommages ne rendait-elle pas à Dieu, dans ces saints lieux? Que d'abaissement devant la majesté du Verbe, que de louange, que de gloire, quelle immensité de religion! Prêtre saint, ô Marie, que, vous avez offert divinement des choses animales, que, vous avez changé saintement en victime spirituelle ce qui était terrestre et grossier, votre sainteté était heureuse d'être inconnue, et plus heureuse encore de réaliser les desseins de Dieu, que des prêtres ignorants et aveugles n'accomplissaient pas en esprit. Faites-moi communier à votre esprit, ô divin prêtre, qu'il s'écoule dans tous les prêtres, qu'il se répande universellement dans l'Église, pour la porter sans cesse à offrir, envoués par vous, des sacrifices à la gloire et à la majesté de Dieu. Annonciation. Voici la servante du Seigneur. Luc 1, 38. Dieu a une joie inconcevable de posséder cette âme, et de la voir ainsi abandonnée à lui en toute confiance. Jamais créature ne pourra exprimer sa tendresse pour elle, elle est immense, infinie, incompréhensible. Qui pourrait dire les trésors, les grâces magnifiques dont Dieu la comble pour en faire l'objet de ses délices et de ses joies, pour qu'elle soit digne de lui, il forme en elle une image parfaite de ses perfections divines. C'est ce qui portait un Saint-Père à appeler la très sainte Vierge, forma Dei. Elle est transformée en Dieu. Ô vive source de pur amour, unique épouse du Père éternel, mère admirable de son cher Fils, mon Seigneur, mon divin Maître et mon unique tout, qu'il se passe, en cet heureux moment, de mystères et de merveilles en vous. Vous donnez, Mère très sainte, et vous recevez tout ce qu'il y a de plus grand et de plus auguste. Vous recevez la plénitude de la divinité du Père, et vous rendez par le Fils toutes les louanges et toute la gloire possible. Que de mystères, le Saint-Esprit, selon la parole de l'ange, descend sur vous, pour être le sanctificateur de son temple. Le Père vous revêt de tout lui-même et vous remplit de sa sainte vertu. Ce qui naît ensuite de vous est saint, c'est le Fils de Dieu et le vôtre, et l'occupation de ce fruit adorable est de se sacrifier en vous et avec vous, comme hostie d'amour pour la gloire de son Père. Ce Fils n'est pas de la nature des autres enfants, il n'est pas pétri de péché, sa production est sainte, et toute son implication est d'honorer en votre âme la majesté de son Père, et d'y fonder la plénitude de la religion chrétienne. Dieu n'est pas en Marie seulement pour commencer son œuvre, il y est aussi pour la continuer et l'achever. Il forme en elle son Fils en toute son étendue, à l'état d'homme, Éphésiens 4, 13, en lui-même et en tous ses membres, c'est-à-dire avec son Église. Ainsi, par la vertu du Père, la très sainte Vierge est la mère de Jésus-Christ et de tous les chrétiens. Perdue, abîmée, absorbée dans l'amour de Dieu le Père pour son Fils et pour l'Église, elle aime d'un amour immense et le Sauveur et ses membres. Quelle est adorable l'âme sainte de Jésus, perdant et abîmant en soi l'âme de sa très sainte mère, et la pénétrant des mouvements amoureux qu'il éprouvait pour son Père. Vous résidez en elle, ô divin Sauveur, comme en votre tabernacle vivant, vous la faites participer à ce que vous êtes et à ce que vous faites, soit envers Dieu, soit envers les hommes. Quand est-ce, ô mon tout, que je jouirai de la même grâce, quand est-ce que je serai totalement vide de moi, sacrifié pleinement par l'Esprit, et orné des perfections du Père? Quand est-ce que mon intérieur sera capable de porter en soi le Verbe toujours louant et bénissant, toujours glorifiant et adorant la majesté de Dieu? Ô grandeur d'une âme chrétienne! Ô emploi magnifique d'un cœur pur, saint et animé de Jésus, l'unique religieux de Dieu! Divin Sauveur, vous voulez être dans les fidèles comme en votre Sainte Mère pour les rendre de véritables adorateurs du Père en votre esprit. Ô Jésus, venez en nous, animez-nous et faites de nous un temple parfait de votre religion et un saint organe de votre vie. Sur la Visitation. La Sainte Église nous fait honorer trois mystères admirables de Jésus-Christ, vivant en Marie, l'Annonciation, la Visitation et la Nativité du Sauveur. Dans le premier on contemple l'entrée de notre Seigneur en sa mère, dans le troisième le saint moment de sa sortie, et dans le second sa résidence en elle. Cette résidence, qui est une des grandes choses de l'Église, est d'autant moins solennisée qu'elle est moins connue et qu'elle a été moins révélée aux fidèles. C'est pour cela, sans doute, que notre Seigneur a voulu susciter dans l'Église un ordre entier destiné à adorer ce glorieux mystère, et à honorer l'étendue des grâces et des vertus opérées par Jésus-Christ en sa mère et par sa mère, en l'Église. Comme la très sainte Vierge est par son consentement le principe de Jésus-Christ en son humanité, elle est aussi par ses soins et sa charité le principe de Jésus-Christ en son Église. Elle n'a pas sitôt conçu notre Seigneur, qu'elle va le porter et le former dans le cœur de Saint Jean son précurseur. Elle a hâte de devenir ainsi la cause de notre foi, et la mère de Jésus-Christ dans le cœur des fidèles, car c'est à la Sainte Vierge, par l'intermédiaire de Saint Jean, que Saint André, Saint Pierre et plusieurs autres disciples sont redevables de la connaissance de notre Seigneur, qu'ils ont ensuite répandu par toute la terre. Dans ce mystère, elle fait ce que les apôtres firent plus tard dans leur mission, oubliant son sexe, sans provision, sans compagnie, elle va sur les montagnes annoncer Jésus-Christ, elle y va avec grande diligence et un zèle extrême, servant d'exemple aux apôtres qui, après la réception du Saint-Esprit, se portèrent avec ardeur dans toutes les parties du monde, pour faire connaître Jésus-Christ. Elle remplit leurs deux fonctions principales, en portant à Sainte Élisabeth la connaissance du Rédempteur, et en sanctifiant l'âme de Saint Jean. Notre Seigneur leur avait dit, « Enseignez et baptisez. » Matthieu 28, 19. Enseignez Marc la foi et la lumière qu'ils doivent répandre partout. Baptiser signifie la sanctification des âmes. Or la Sainte Vierge fait l'un et l'autre, en sa visitation, elle remplit de lumière l'âme de Sainte Élisabeth, et ses paroles ont sur Saint Jean l'effet des paroles sacramentelles non seulement du baptême, qui donne une grâce d'enfance, mais encore de la confirmation, qui donne la grâce en plénitude, et qui répand dans les âmes tous les dons du Saint-Esprit, lequel les éclaire, les possède, les régit et les consomme en la perfection du Saint-Amour. La Sainte Vierge donc, comme pontife, et en vertu de ses droits de mère de Dieu et d'épouse du Père, imprime le Saint-Esprit en Saint Jean. Elle achève l'ouvrage du Père éternel, qui se sert d'elle pour donner au précurseur l'esprit et la grâce de son ministère. Possédant en son sein le Verbe divin, elle ébauche invisiblement avec lui ce que notre Seigneur, caché dans le sein de son Père, fait plus tard visiblement dans la formation et l'achèvement de son Église. Sur Marie au pied de la croix. Ô divin Jésus, quand je vous considère au calvaire, vous m'y apparaissez comme un roi triomphateur sur son trône, comme un maître enseignant en sa chair, comme une victime sur l'autel où on l'immole, comme un époux sur sa couche, mais sur une couche de douleur. Or l'époux ne saurait être seul, il doit avoir auprès de lui son épouse. Adam, avec l'épouse qu'il reçut de la main de Dieu, devait engendrer des hommes, purs et innocents, et pour cet effet il fut établi dans un paradis de délices, mais, par sa désobéissance, il devint principe de toute corruption et de tout péché. Dieu, voulant réparer ce malheur et faire un peuple nouveau, forme en notre Seigneur un nouvel Adam, nommé Fils de l'homme, en sa vie, mais devant être, en sa mort, le Père du siècle futur. En cette nouvelle qualité, il lui faut une épouse, il la reçoit au calvaire, au milieu des délaissements et des amertumes dans lesquels il expie nos crimes. Cette épouse que Dieu lui choisit est sa très sainte mère. Comme l'union qu'il contracte est une union spirituelle, il faut que leurs dispositions intérieures et leurs sentiments soient communs. Dans les mariages de la terre, les époux entrent en communication des biens et des maux de leurs conjoints. Ainsi en est-il de l'alliance que notre Seigneur a contractée avec son Église, et qui l'a rendue plus étroite entre lui et sa Sainte Mère. Les souffrances y deviennent communes aussi bien que les joies. C'est pourquoi, sur le calvaire, il se donne à Marie comme un époux de sang, elle l'accepte comme l'homme, de douleur, et ne reçoit que la douleur pour tout présent, pour toute dot et pour tout partage. Ô que, son état est différent de celui de l'étable de Bethléem. Là elle était mère d'un innocent, du Saint des Saints. Elle participait à la gloire que l'on rendait à son fils, elle prenait part aux adorations des hommes, et aux acclamations des anges. À Bethléem, elle est mère du juste, et elle ne sent pas les effets de la réportée contre les mères des pécheurs. Tu enfanteras des fils dans la douleur. Genèse 3:16. Au pied de la croix, où elle devient la mère de Saint Jean, le premier-né de ses fils d'adoption, elle enfante dans les souffrances. Femme, lui dit notre Seigneur, voilà votre fils. Jean 19, 26. J'étais le fils de Bethléem, mais à présent je suis votre époux de sang. Je ne suis plus comme au jour où je sortis du sein de mon père, vous étiez alors parfumé de mes délices et de mes joies, Mais à présent que je sors du milieu des pécheurs, mes vêtements sont infectés de leurs abominations. Je suis sur le calvaire et la croix est ma couche. Il faut éprouver l'effet du péché et faire pénitence. Ainsi l'âme de la Sainte Vierge se trouve transpercée du même glaive que son bien-aimé, et l'Esprit de Dieu, produisant en l'un et en l'autre les mêmes effets, les tient toutes deux absorbées dans la douleur, et dans des sentiments de pénitence pour nos crimes. Marie après la résurrection de son Fils. Ce que Dieu met en Jésus de ses perfections, pour les communiquer aux hommes, Jésus le fait passer aux hommes, par sa très sainte mère. De même que le Seigneur, quand il eut créé la lumière pour éclairer l'univers, l'attacha au corps du soleil, afin qu'il la répandît par tout le monde, de même, dans l'ordre de la grâce. Le Père éternel engendrant son Fils, et l'envoyant pour être notre lumière, l'attache à la personne de la Sainte Vierge, pour la distribuer par elle à toute créature. Aussi quand notre Seigneur sort glorieux du tombeau, comme un époux brillant de clarté, il s'unit à la très Sainte Vierge en sa splendeur divine. Abîmé dans la vie de Dieu son Père, rempli de ses sentiments et de ses inclinations, il est porté vers Marie comme vers le plus excellent et le plus aimable objet qui fut sur la terre. Qu'elle n'ait pas pour elle l'excès de son amour, il la vivifie de sa splendeur, il la remplit de sa fécondité et de tout ce qu'il est, il est en elle une source féconde de cette vie sainte et surnaturelle qu'il avait reçue de son Père, pour la faire écouler en elle et la répandre de là sur tous les hommes. Ô Dieu, quels secrets admirables renferme l'union de Jésus ressuscité avec sa Sainte Mère! Quelles communications intimes, quelle donation du Fils de Dieu et de tout ce qu'il possède! Revêtu de toute la gloire que son Père lui avait donnée, comme récompense de ses ignominies et de sa mort, il se répand en sa Sainte Mère et se dilate en elle. Pour prix des confusions qu'elle avait endurées sur le calvaire, il veut qu'elle participe à son triomphe et à sa gloire. Il est fait souverain pontife, juge des vivants et des morts, prince du ciel et de la terre, père du siècle futur, et il appelle sa mère à partager tous ses titres glorieux. Il veut qu'elle reçoive tout ce qui peut lui être donné, qu'elle soit pure, sainte et féconde par le fond de vie pure, sainte et divine qu'il reçoit de son Père en sa sainte résurrection. Ô admirable et chère princesse, que de grandeur, que d'amour dans ce mystère! Dans l'incarnation, vous étiez la mère de Jésus infirme, à présent vous êtes la mère et l'épouse de Jésus glorieux dans sa résurrection. Sans rien perdre des droits que vous avez comme épouse du Père, vous recouvrez un fils plein de gloire et vous le recevez comme époux. Ô divine épouse du Père, ô nouvelle et divine épouse de mon Jésus, que la nouvelle alliance que vous contractez avec votre fils me paraît aimable. Sur la première communion de Marie. Ô mon Dieu, que je dise ici les communications de Jésus à l'âme de Marie, au jour de sa première communion. Après que, par le mystère de la Pentecôte, le Saint-Esprit eut préparé l'Église à recevoir Jésus-Christ glorifié, ce divin Sauveur se donna à sa mère dans la Sainte Eucharistie. Mais que ses motifs étaient différents de ceux qui l'obligent à se donner à ses apôtres et au reste de l'Église. Les apôtres et l'Église avaient besoin de Jésus pour échauffer la langueur de leur amour, et détruire en eux le règne du vieil homme, car notre Seigneur, mort pour la ruine du vieil Adam, vient le détruire en nous par sa présence et par l'impression de ses vertus. Il nous apporte son esprit et sa charité, opposés à la concupiscence, il imprime dans nos cœurs des dispositions d'humilité, opposées à celles de la superbe, il nous donne l'amour de la pauvreté, opposé à l'avarice. Il nous donne un grand désir de la gloire de Dieu, Opposé au désir de notre propre estime, il fortifie les inclinations que nous avons reçues au baptême, inclinations saintes, mouvements divins qui nous sont donnés dans ce premier sacrement, qui sont perfectionnés par la confirmation et s'achèvent par la communion. Jésus-Christ en effet nous donne, dans ce sacrement d'amour, les sentiments qu'il avait pour le ciel, il détruit les tendances par lesquelles le vieil homme nous courbait vers la terre et nous faisait rechercher le repos de la vie présente. En un mot, il vient en nous pour réparer nos désordres et remédier à nos langueurs. Ce ne sont point ses motifs qui le portent à venir en sa très sainte mère. Elle n'a connu d'autre langueur que celle du saint amour, son cœur ne se ressent point des faiblesses de la vieille nature, elle a suivi le Saint-Esprit, sans opposition, dans toutes ses démarches, elle a toujours correspondu à toute l'étendue de sa grâce, et comme par un privilège unique, elle a été conçue sans péché et sanctifiée dès le premier moment de son existence, sa chair a été toujours soumise à l'Esprit et rien, en elle, ne lui a jamais résisté. C'est pourquoi, croissante de jour en lumière, en force et en amour, elle ne recevait pas la Sainte Eucharistie pour les mêmes fins que les autres fidèles. Son divin Fils venait en elle comme un amant plein de tendresse pour la combler de ses faveurs. L'amour qu'il porte à sa mère ne lui permet pas d'être éloigné d'elle. S'il est au ciel, et que sa mère soit sur la terre, il faut, ou que sa mère monte au ciel, ou que lui-même descende ici-bas. Ce n'est pas tout. Le Fils de Dieu, en naissant dans l'infirmité, avait fait, se semble, déchoir sa mère, avec lui, de sa première condition, car le premier dessein de Dieu avait été d'envoyer son Fils dans la gloire. Note. L'auteur se rallie ici à l'opinion théologique de Scott, de Suarez, de Saint François de Sales, etc. sur le décret de l'incarnation. D'après ces théologiens, le Verbe incarné aurait été le chef des anges et des hommes, même si Adam n'avait pas péché. Fin de la note. Or le Fils a été privé de cette gloire, à cause des péchés du monde, il est venu dans une condition d'opprobre, afin de pouvoir mourir pour les pécheurs, et il est ainsi grandement déchu de son premier état. De même en est-il de la très sainte Vierge. Elle était destinée, dans les premiers décrets de la divine providence, à être la mère d'un Dieu de gloire, et en donnant naissance au Sauveur en son état d'infirmité, elle le partage avec lui. Mais comme le Père éternel ne souffre pas que l'amour de son Fils pour lui soit la cause de quelque privation, il lui rend avec usure, au jour de sa résurrection et de son ascension, tout ce dont il s'était privé pour entrer dans ses desseins. Ainsi en est-il de la très sainte Vierge au jour de sa première communion, Dieu répare la perte qu'elle a soufferte pour son amour. Lorsque notre Seigneur entre en son âme, elle devient proprement mère du Dieu de gloire. Mère de Jésus-Christ ressuscité. C'est pourquoi, pendant l'octave du Saint-Sacrement, au lieu de dire aux prières de prime, comme en temps ordinaire, « Fils de Dieu, qui êtes assis à la droite de votre Père », l'Église chante comme au fait de Notre-Dame, « Fils de Dieu qui êtes né de la Vierge Marie ». Gloire à vous, ô mon Jésus qui maintenant êtes glorieuse et affranchie de la chair. Honneur à vous, Vierge Marie, Mère du Dieu de gloire, de Jésus-Christ glorifié. Le Saint-Esprit qui descendit sur elle le jour de la Pentecôte, pour la préparer à cette grâce, le fit d'une manière bien différente de celle dont il y était venu pour la préparer à l'incarnation. Le jour de l'Annonciation, elle le reçut en secret, parce que Jésus-Christ venait, en ce mystère, pour vivre caché et inconnu. Mais à la Pentecôte, elle le reçoit publiquement, parce qu'il vient la disposer à recevoir son Fils, non plus mortel, mais glorieux, son Fils déclaré roi des rois, juge et souverain de tout l'univers. La Sainte Vierge, le sacrifice eucharistique et Saint Jean l'Évangéliste. Le Sauveur voulu, après sa mort, charger sa Sainte Mère de l'établissement et de la conduite de l'Église, le moyen le plus efficace qu'il lui laissa pour obtenir les grâces nécessaires à cette œuvre immense, fut le sacrifice de nos autels. Mais comme Marie, bien que remplie de l'esprit du sacerdoce, ne pouvait avoir, à cause de son sexe, le caractère des prêtres et en exercer les fonctions, son divin Fils lui donna, à la croix, l'apôtre Saint Jean pour être son supplément, son sacrificateur et son chapelain, afin de faire passer ainsi par elle, dans le sein de l'Église et dans le cœur de tous les fidèles, les fruits précieux de son sang et de sa mort. Ainsi la Sainte Vierge devient par le ministère du disciple bien-aimé, et en la vertu du divin sacrifice qu'il remet entre ses mains, une source féconde de tout bien pour l'Église. Elle remplit de vigueur et de force toutes les parties, même les plus notables, de ce grand corps. Si les apôtres publient l'Évangile dans tout l'univers, s'ils répandent les flammes du Saint-Amour, s'ils sont victorieux du monde et de l'enfer, elle est la parole qui les rend éloquents, la lumière qui les éclaire, l'amour qui les consomme, et la puissance qui les rend terribles aux tyrans et aux démons. Ô Saint Jean, que vous êtes heureux d'entrer en part de cette œuvre admirable. En ce point le plus important de votre ministère, vous n'êtes plus à vous, vous êtes tout à Marie, vous devez perdre toutes vos intentions dans les siennes. Que votre qualité de chapelain est magnifique, puisqu'elle vous fait servir à l'accomplissement des desseins du Fils sur sa très sainte mère, puisqu'elle vous rend coopérateur, avec elle, en Jésus-Christ, de l'établissement du royaume de Dieu. Si vous offrez le saint sacrifice, c'est pour lui transférer le droit que vous y avez. Par cet admirable commerce, elle entre en vos droits sur Jésus-Christ, et vous lui faites recouvrer ce qu'elle avait sur lui par son titre de mère, et qu'elle avait perdu, en quelque sorte, au moment de sa mort. Dieu le Père, en effet, lui avait, pour ainsi dire, soustrait son Fils en le retirant du tombeau, mais Saint Jean, par sa double qualité de fils et de chapelain, le lui rend deux fois, c'est-à-dire comme fils et comme hostie, comme fils, puisque Jésus se cache dans le disciple bien-aimé, et que, sous son extérieur, il veut toujours être soumis à sa mère, à quelque grandeur qu'il soit élevé, comme hostie, puisque Saint Jean, quand il célèbre le saint sacrifice, lui remet entre les mains l'adorable victime consommée à la gloire de Dieu. Ah, grand apôtre, apôtre bien-aimé, dépositaire de tous les trésors du Père et du Fils, dites-nous où le divin époux darde les traits les plus puissants de sa dilection. Apprenez-nous où il repose au milieu du jour. Vous le savez, votre condition de prêtre et de chapelain de son épouse vous oblige à le faire tous les jours reposer sur son cœur, vous accompagnez l'époux et vous le faites entrer tous les jours dans sa couche nuptiale. Vous donnez à l'époux et à l'épouse le moyen de contenter leurs plus tendres amours.